était juste devant moi. Je me souviens de tous nos pas. Ces moments de mélancolie, notre amour au son de ta voix. Mais tous les rêves ont une fin. Ma main cherche ta main. Et caché sous ce ciel de pluie, j'ai perdu mon chemin. Si tout me semble dérisoire, ne plus t'aimer, il va falloir laisser mes larmes de côté, t'oublier, recommencer. Et dans ces instants mal écrits, je te parle de ma vie. Loin de tout, je te confie mes désirs et mes envies. J'espérais tant de notre histoire, mais à présent tout est bien noir. Comme une étoile qui se meurt, loin de toi je n'en ai plus d'ailleurs. J'aimerais tant que notre histoire te donne la force d'y croire. T'effacera de moi, non je ne t'oublierai pas. Je n'ai pas su trouver les mots qui transpirent encore de ma peau. S'il reste encore à tes silences un tout dernier pas de danse, d'un simple battement de cils. Oh, ce n'est pas aussi facile, car loin de toi je me soucie de ce que sera ma vie. J'espérais tant de notre histoire, mais à présent il est trop tard. Comme une étoile qui se meurt, loin de toi je n'ai plus d'ailleurs. J'aimerais tant que notre histoire te donne la force d'y croire. Que rien ne m'efface de toi, et surtout ne m'oublie pas. Nos âmes qui s'évadent et des pensées en cascade. Ta finesse et ta tendresse ne sont plus que faiblesse. Comme une empreinte indélébile, tu me laisses en souvenir. Ce cœur malade et si fragile, mes peines et tes sourires. Alors à chacun sa chanson, la mienne n'a plus de raison. Tu sais, ce n'est pas si facile de couper le fil. N'y pensons pas, n'y pensons plus.